À ceux qui, nourris de grec et de latin, sont morts de faim, je dédie ce livre. Jules Vallès, Paris. J'ai de l'éducation. Vous voilà armé pour la lutte, a fait mon proviseur en me disant adieu. Qui triomphe au collège, entre en vainqueur de la carrière. Quelle carrière ! Pendant qu'on attelait les chevaux, le proviseur est arrivé pour me serrer la main. Me voilà parti. Je puis secouer mes jambes et mes bras, pleurer, rire, bâiller, crier, comme l'idée m'en viendra. Je suis maître de mes gestes, maître de ma parole et de mon silence. Je sors enfin du berceau où mes braves gens de parents m'ont tenu emmailloté 17 ans, tout en me relevant pour me fouetter de temps en temps. Je suis libre, libre, libre. Il me semble que ma poitrine s'élargit et qu'une moutarde d'orgueil me monte au nez. J'ai des fourmis dans les jambes et du soleil plein le cerveau. Au bureau de messagerie de Paris, je recevrai de la main de M. Truchet la somme de 40 francs. D'ici là, 24 sous. 24 sous, 17 ans, des épaules de lutteur, une voix de cuivre, des dents de chien, la peau olivâtre, les mains comme du citron et les cheveux comme du bitume. Ma brave femme de mère m'a si souvent dit que j'étais laid à partir du nez et que j'étais empoté maladroit. Je ne savais pas même faire des 8 en arrosant. Que j'ai la défiance de moi-même vis-à-vis de quiconque n'est pas homme de collège, professeur ou copain. Je me crois inférieur à tout ce qui passe et je ne suis sûr que de mon courage. J'ai de quoi manger avec les provisions de ma mère. Je ne toucherai pas à mes 24 sous. Paris, 5 heures du matin. Nous sommes arrivés. Quel silence! Tout paraît pâle, sous la lueur triste du matin, et il y a la solitude des villages dans ce Paris qui dort. C'est mélancolique comme l'abandon. Il fait le froid de l'aurore, et la dernière étoile clignote bêtement dans le bleu fade du ciel. Je suis effrayé, comme un Robinson débarqué sur un rivage abandonné, mais dans un pays sans arbres verts et sans fruits rouges. Les maisons sont hautes, mornes et comme aveugles, avec leurs volets fermés, leurs rideaux baissés. Paris s'éveille. Paris est éveillé. J'ai attendu 8 heures en traînant dans les rues.